Les masses médias de divers pays du monde rapportent les nouvelles des activités révolutionnaires du camarade Kim Jong-un. Le journal Dagombao et la télévision satellitaire Phoenix dans Hong Kong de Chine, le journal d'Internet Al-Sharqa Al-Yawm et les agences de presse d'Internet Al-Mushahid et Irshad de Mauritanie, ainsi que les pages d'Internet du Comité national d'études de Kim-Sunnisme et Kim-Jong-lisme du Nigeria et du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique, ont présenté son inspection au combinat de construction mécanique 18 janvier. Le homepage Internet de l'Association d'amitié Bektusanchek-Corée et celui d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections ont inséré la nouvelle de sa direction de la 3e conférence des exemplaires du mouvement pour obtenir le titre de 7e régiment aux Ouzoungos de l'armée populaire de Corée. Le homepage Internet allemand a également présenté sa photo prise avec les participants à la conférence susmentionnée. Le homepage Internet russe Irkutsk Blog Spot.lu a rapporté son inspection au combinat des matériaux de construction Tulima. Les masses médias étrangers ont présenté les photos du maréchal coréen.